Oui, merci pour votre intervention. Ce n'est pas vraiment une question. En tout cas, moi, je voulais vraiment remercier l'équipe de l'ENIPS parce que, alors, à la fermeture d'Actis, c'est vrai qu'on s'est posé plein de questions sur comment les actions allaient être menées, qui allait pouvoir les mener, etc. Alors, on travaillait déjà beaucoup avec l'ENIPS en partenariat depuis longtemps, avec Sébastien, Steve, Priscilla. Donc j'étais pas trop, moi, inquiet sur le fait que l'ENIPS avait toutes les capacités pour reprendre toutes les actions de prévention, réduction des risques auprès des HSH et auprès de la communauté LGBTI. J'étais pas non plus trop inquiet, bon, pour tout ce qui était RDR drogue, bon, de toute façon, il y avait le Caru de Rimbaud. Mais après, voilà, c'est ce qui m'inquiétait davantage, c'était tout le reste, quoi, et ce qui ne pourrait pas être continué ou être pris. Mais en tout cas, voilà, moi, je tire mon chapeau à l'équipe de l'ENIPS d'avoir vraiment rebondi et puis rapidement. Merci Stéphane. Sachant que pour les étudiants, il y a aussi les journées de la santé sexuelle où l'ENIPS intervient en début. Cool, vous en avez entendu parler. Ouais, les JSS, on sera là l'année prochaine. Moi, je me permets de poser une question, alors que peut-être aussi une question plus générale, hein, pour tout à chacun. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement abordé, c'était le rôle aussi des médecins généralistes. On a évoqué toute une série d'acteurs, effectivement, et là, l'ENIPS se semble finalement enrôler des médecins généralistes dans sa cause ou dans son commerce, comme tu dis. Mais en même temps, quand on regarde bien sur le plan de la localité, c'est-à-dire de Saint-Étienne, ce n'est pas n'importe quel médecin généraliste. Donc je profite de sa présence, de Rodolphe Charles, qui connaît bien l'histoire, effectivement, aussi du sida et qui a été un des premiers témoins ou acteurs aussi, et qui a formé Angélique Saval, qui elle-même forme Myriam Dergam. Donc je me dis qu'il y a aussi, alors parce que, bon, je sais pas ce que dira François, mais j'ai l'impression que pendant 48 heures, j'ai entendu beaucoup « on forme, on forme, on forme, on forme, on forme ». Et cette dimension de formation, on la retrouve aussi dans des formes de filiation aussi. Et je trouve ça assez intéressant. C'est pas seulement faire venir des médecins généralistes qui d'un coup se découvriraient une forme d'engagement, mais on voit bien, je trouve, comment l'engagement, il passe de main en main et de génération en génération. Et qu'il y a, en tout cas, il y a un lien. Alors, peut-être que c'est excessif, mais je me demande... Voilà, voilà, il me semble qu'à Saint-Étienne, il y a quelque chose qui s'est tissé. Et voilà, peut-être que j'ai tort. Mais non, c'est une vraie question. Et nous, enfin, on cherche à créer des relais, en tout cas, d'avoir des médecins. Alors, on ne conventionne pas avec eux, mais de s'assurer que si on oriente vers ces médecins généralistes, que ça soit sur l'accompagnement au traitement hormonal de substitution ou la PrEP. Voilà, on a quand même conventionné avec le docteur Saval sur la PrEP en médecine de ville. La PrEP en médecine de ville, c'est un accès rapide à la PrEP pour les personnes qui sont hyper à risque. C'est-à-dire la personne qui ne se considère pas forcément comme HSH, mais qui a beaucoup de risques et met pas de préservatif. Donc nous, on a conventionné dans le sens où nous, on fait un peu l'entonnoir. On va faire tout le schéma explicatif à la personne de qu'est-ce que c'est la PrEP. Comment ça va se passer? Il y a un premier entretien en visio qui se fait avec le médecin. Et après, il y a une prescription assez rapide. Bien sûr, ça, on a monté ce projet, la RSE ou quoi. C'est vraiment pour cibler les personnes à risque et qui ne sont pas communautaires. Et moi, j'ai créé un nouveau partenariat avec le docteur Bruel pour la Haute-Loire, à Monistrol-sur-Loire, l'année dernière. Donc voilà, qui est sûrement... dans la filière de Rodolphe aussi. Et voilà, il y a cette filiation, mais bien sûr, on est toujours à la recherche de médecins partenaires, parce que pour moi, les médecins généralistes sont au cœur de la santé sexuelle de leur patientèle, et voilà, bien sûr. Et puis un vrai relais, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, l'allée vert, on se tape des gros vents, mais peut-être que la personne aura entendu le mot PrEP ou le mot échange de seringue, et que si elle n'a pas de médecin généraliste vers qui se tourner, donc là, il y a le parcours, le circuit court PrEP, mais que c'est aussi notre rôle, et c'est une très bonne question que tu as posée, Thomas, et je me demande, moi, ce qui m'étonne, c'est que même des gens dans ma promo nous disent « mais parler de sexualité, ça me gêne, parler de contraception, c'est ok, mais pas de sexualité ». Donc soit ils ne savent pas comment on fait les bébés, soit il y a un truc où, en fait, ça coince. Pourquoi le fait de pas avoir d'enfant, de prescrire une pilule, c'est ok, et dire aux gens, est-ce que vous utilisez des objets, est-ce que vous avez plusieurs partenaires, est-ce que vous avez d'autres pratiques dont vous voulez me parler, pourquoi ça on le fait pas. Et c'est une vraie question que maintenant tu as fait germer dans ma tête, donc je suis pas sûre de te remercier pour ça. Non, moi, j'ai, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à creuser. J'ai des usagers qui viennent, qui viennent me voir pour parler sexo, alors, et elles parlent avec leur médecin G de toute la sphère médicale, et juste avec moi sexo. Je dis, mais écoute, est-ce que tu abordes ? Non, je sens que c'est bloqué. On a un peu un espèce de carnet d'adresses qu'on se partage entre partenariat et médecin aussi, avec Myriam notamment, qui m'a aussi été d'une grande aide dans le sens où l'entrée vers la médecine aussi, parce que des fois, je veux dire la réalité, c'est que des fois on n'est pas pris au sérieux en tant qu'associatif par certains médecins. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ? Quitter, c'est la réalité. Alors, pas tous les médecins, bien sûr, heureusement. Et d'ailleurs, j'ai des médecins qui sont extraordinaires. Mais c'est difficile d'être pris au sérieux en tant qu'associatif et de montrer qu'on a l'expertise. On peut passer le relais. On peut orienter. Et ça, c'est important d'avoir un vrai partenariat avec des médecins généralistes à Saint-Étienne. Un vrai maillage territorial, parce que les associations d'Aller Vert font aussi tout le boulot qu'on n'a pas le temps de faire, parce qu'on n'est pas assez de médecins sur Saint-Étienne, mais parce qu'aussi beaucoup d'internes ne veulent pas forcément rester pour diverses raisons, et ça va être compliqué les prochaines années. C'est-à-dire que Stéphanois, s'il vous plaît, restez à Saint-Étienne. On a besoin de gens à Saint-Étienne. C'est pas tant une question, mais c'est pour rebondir là-dessus et notamment témoigner un peu de ça. À Saint-Étienne, il y a un réel problème d'accès à des médecins généralistes et notamment pour les personnes trans. Pour moi, il y a une seule médecin généraliste complètement compétente sur ces questions-là à Saint-Étienne qui est débordée. Et notamment, tout à l'heure, on parlait d'endocrinologues, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Les traitements d'hormonothérapie, ils évoluent. Aujourd'hui, il y a la plupart beaucoup d'hommes trans qui prennent de la nandrolone. Pour les traitements féminisants, les œstrogènes injectables sont toujours interdits en France. Il se trouve que la plupart des femmes trans aujourd'hui prennent des hormones injectables, et du coup en fait la médecine elle est complètement à côté de la plaque sur les hormones que prennent les personnes trans aujourd'hui. Du coup, à partir du moment où on peut pas parler de ça avec nos médecins généralistes, on va vers des associations comme l'ENIPS, où heureusement à Saint-Étienne il y a des super médecins au CEGID et qui nous accompagnent vraiment bien. Mais c'est un réel, parce qu'on parle des personnes qui prennent des hormones de manière pirate, mais du coup il y a le fait que les hormones qu'on nous propose sont pas celles qu'on a envie de prendre. Il y a aussi un truc, c'est que on partage aussi nos hormones pour pouvoir en envoyer aux personnes qui n'y ont pas accès, c'est-à-dire dans les pays du Sud. Et du coup, ça, c'est des trucs dont on peut pas parler parce que c'est complètement illégal, mais en fait, ça se fait, et c'est aussi pour ça qu'on partage nos hormones, quoi. Voilà. Du coup, je pense, la médecine, à plein de moments, elle est complètement à côté de la plaque de la santé communautaire des personnes trans, quoi. Merci, Mathéo, pour ton intervention. Et puis, ce que tu disais est très vrai, parce que dans le sens, je suis pas si vieille, mais moi, la transidentité, c'était pas dans mes livres de médecine. Et je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, il y ait plus de, peut-être, une page dessus. Donc, on peut pas être autrement qu'à côté de la plaque, sauf quand on fait l'effort d'aller vers les assos. Et encore une fois, les assos ont tout leur rôle et toute leur légitimité à nous former. Parce que c'est vrai que quand on est patient et qu'on doit tout expliquer à son médecin, c'est peut-être aussi un petit peu lourd. Mais on a la chance d'avoir ce maillage à Saint-Étienne. Juste rajouter dans l'histoire, puisqu'on est dans l'histoire du VIH à Saint-Étienne, une personne qui m'a formé avant moi, qui est Odette Godin. Je ne sais pas si on a abordé son nom ce matin, mais qui était professeure de bactériologie, virologie, bactériovirus, qui précédait d'ailleurs à Bruno Pozzetto, qui vous a parlé ce matin, et qui dirigeait à l'époque une unité d'enseignement sur la santé communautaire avec Benoît Loras, et qui m'a formé avant que je continue le travail avec Aide, avec le Secours Populaire, etc., à la santé communautaire. La santé communautaire, c'était au lendemain d'Alma Ata, hein, dans les années... Moi, j'étais à la fac dans les années 84, au lendemain de 1978, Alma Ata, où on définit la santé communautaire essentiellement autour... après la décolonisation, hein, après pour les populations qui avaient été colonisées, et pour... une santé communautaire qui était essentiellement une santé tiers-mondiste. Et puis l'épidémie du VIH a transformé la vision de la santé communautaire en se disant qu'on avait besoin de la santé communautaire, entre autres en France. Et j'ai été initié dans les années 84 à peu près, 85, à la santé communautaire avec Odette Godin. Et en 88, je m'engageais avec Aide sur les premiers groupes de santé communautaire et l'action qu'on avait avec le téléphone, c'était SIDA Info Service, hein, avec les différents groupes d'entraide, etc. Et voilà, donc dans le maillage et dans l'histoire que tu racontais, je voulais raconter l'histoire antérieure, c'est-à-dire qui m'avait initié, et rendre hommage à cette personne. Déjà, je veux vous remercier aussi pour toutes les informations que vous donnez, qui sont hyper intéressantes. Et aussi, déjà, est-ce que vous cherchez encore des bénévoles ? Puisque moi, ça m'intéresserait carrément. Et j'avais aussi une question, remarque, on voit quand même l'apparition de nouveaux publics dans certains lieux alternatifs, dans le milieu de la free party, des soirées techno, même des espaces queer LGBT. Et du coup, ces espaces qui se dépolitisent, avec des nouveaux publics, où on va prendre des aspects culturels sans prendre les luttes politiques derrière et toutes les significations que ça a, en politique, quoi. Est-ce que, pour vous, on peut un peu le mettre en lien justement avec cette baisse de l'information, de la prévention, une perte de certaines pratiques, du coup, avec des nouveaux publics et du coup, maintenant, des plus jeunes qui oublient les luttes passées, et voilà. Oui, oui. Oui, moi, je peux en parler, alors... Moi, je suis un acteur de la Free Party, membre de collectif et membre de Techno Plus à l'époque. Voilà, au niveau du festif, en tout cas, même s'il y a beaucoup d'assauts de réduction des risques qu'on fait, elles ont pris le relais, mais on dirait que les personnes acteurs, consommateurs de Free Party, ont moins, sont moins impliquées en tout cas dans la réduction des risques, parce qu'elles disent il y a des gens qui font le taf, mais à partir du moment où il n'y a pas de stand... Et bien sûr, il y a l'aspect communautaire, parce qu'on sait très bien que la communauté LGBT est très actrice de ce mouvement festif. Hein. On est clair là-dessus. Mais voilà, oui, des fois, le stand RDR n'est pas là. Il n'y a pas de RDR dans l'Afrique. Là, c'est ce que j'ai remarqué sur ces dernières années. Et des fois, oui, ça m'attriste de ce manque d'implication des personnes elles-mêmes. On est tous acteurs de la réduction des risques et tous relais de prévention aussi, en quelque sorte. Merci, c'était très complet. On voit que l'ENIPS est toujours aussi tentaculaire et comble les vides de façon rapide et remarquable. Je n'ai pas entendu que vous ayez parlé du dispositif VIH-Test et mon test IST. Et je crois que c'est important que les jeunes qui sont là connaissent aussi ce moyen de se faire dépister. VIH-test, ça fait déjà des années. Hein. N'importe qui, assuré social, peut aller dans un labo d'analyse médicale et demander sans ordonnance un test de dépistage du VIH qui sera fait gratuitement. Ce dispositif a été élargi aux IST depuis quelques mois. IST étant VIH, hépatite B, syphilis, et puis la recherche de chlamydia et de gonos, hein, aussi. Donc, voilà. C'était important dans l'offre de dépistage qui existe à l'heure actuelle. Il y a bien sûr les dépistages communautaires par TROD. Il y a les dépistages sur prescription médecin. Il y a les dépistages volontaires au Cégide. Et il y a aussi les dépistages que n'importe qui peut initier pour soi-même dans les laboratoires d'analyse médicale. C'est important que je vous le précise. Et grâce à ce dispositif VIH-test, le nombre de sérologies VIH qui a été fait en 2023, c'est considérable. Hein. C'est 800 000 personnes qui ont eu recours au niveau de la France à ce dispositif. Et ça, on sait qu'en termes de public accueilli, c'est pas le même que celui qui va au Cégide, et c'est pas le même que celui qui va dans les associations. Donc ça répondait réellement à un besoin. Ça répondait réellement à un besoin et à un public qui était aussi finalement à risque, puisque le taux de découverte du VIH chez ces gens qui vont dans ce dispositif est un peu inférieur à celui du Cégide, mais supérieur à celui qui est observé en médecine générale. Donc c'est des gens qui prennent des risques, qui y vont. Oui, puis les laboratoires, je crois qu'on est. Mais on propose maintenant systématiquement un dépistage des IST pour toute prise de sang, c'est ça qui est génial. Ils sont formés maintenant à l'approche de poser des questions en santé sexuelle, et je trouve ça génial. Et pour les moins de 26 ans inclus, et aussi parce que tout compte fait, on remarque que la sécurité sociale prend en charge 70% et la mutuelle 30%, et va sans ordonnance, on peut aller se faire dépister dans n'importe quel labo de ville. Et c'est super, ça, ce dispositif. Mais c'est aussi intéressant de voir les croyances que certaines personnes ont. Moi, j'ai eu des petits jeunes en consultation qui n'avaient jamais eu de rapport et qui me demandaient des dépistages en me disant « peut-être que je suis positive VIH ». Je me disais « on en est encore là ». Et à l'inverse, des jeunes qui ont des rapports et à qui je propose un dépistage aussi bien dans la bouche qu'anal et qui me disent « mais dans la bouche ?» oui. Et en fait, on n'a toujours pas cette culture-là. En France, du moins. C'est vrai qu'on remarque que même dans les plus communautaires, gono et clam, c'est pas connu, quoi. Enfin, encore, il manque d'informations. Sachant qu'on a eu des épidémies de gonocoque chlamydia chez les étudiants aussi. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais juste faire une remarque. Du coup, 20 ans plus tard à Saint-Étienne, je trouve la situation quand même problématique, dans le sens où c'est une ville de plus de 200 000 habitants. J'ai l'impression que c'est difficile d'accéder aux soins. Je suis marseillaise maintenant. Et du coup, je vois qu'il y a de plus en plus de complications d'accès aux soins, que Actis est dû fermer en 2020, qu'il n'y ait plus de planning familial. Enfin, ne pas avoir de planning familial dans une ville de 200 000 habitants. 175 000 habitants. Mais Saint-Étienne Métropole, 400 000. Oui, c'est vraiment terrible. Et je pense pas que. Enfin, et c'est super ce que vous faites, l'ENIPS, et c'est super qu'il y ait des nouvelles recrues. Mais vous pouvez pas combler tout ça. Ah non. Non, non. Et c'est super d'avoir le choix de se dépister de plein de manières différentes. Mais si c'est pour ne plus avoir un médecin face à nous, c'est quand même compliqué. Oui, et je vous invite à y penser aux prochaines élections quand la casse de l'hôpital public sera en jeu. Ça fait un moment qu'elle est en jeu. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus. Oui, je voulais juste rajouter, on a eu justement un exemple parfait sur l'histoire des gonocoques et des chlamydia, des pistages par PCR sur les trois sites. On a un HSH qui avait pour habitude d'aller au, on dit dorénavant, centre de santé sexuelle de Feur. Donc c'est dans le 42. Hein. Et il se dépiste là-bas. On lui fait uniquement un prélèvement urinaire. Donc il fait son prélèvement urinaire. Il dit mais ailleurs on me fait la bouche, etc. Non, nous on fait que ça, voilà. Et puis bon, il était un peu inquiet par rapport à ses prises de risque ces dernières prises de risque au niveau chlamydia gonocoque. Il va aussi au centre de santé sexuelle Le Griffon. À Lyon, où là, c'est systématique, quasiment. Il y a au moins la bouche, enfin la gorge, et un prélèvement anal. Et donc, il avait déjà fait son prélèvement urinaire, ils ne le refont pas. Et évidemment, il avait un gonocoque dans la gorge. Et donc, il est revenu vers le centre de santé sexuelle de Feur en disant, vous voyez, j'ai failli passer à côté. Et il trouvait ça lamentable. Pour lui, la santé, elle devrait être équitable et les inégalités de santé, elles peuvent être aussi liées à des territoires et à des budgets. Parce qu'on sait très bien que c'est des histoires de budget. Donc c'est pour vous donner quelque chose qui existe, malheureusement, qu'on a souvent rencontré. Et l'information, c'est vrai qu'on a largement augmenté l'information sur la vaccination HPV ces quelques dernières années. Il faut encore faire beaucoup de travail. Mais l'information sur le dépistage des gonocoques et des chlamydia, on est même encore limité, je trouve, malheureusement, même en Cégide, dans certains Cégides en tout cas, où on dit, ben voilà, on fait que les mecs, parce que chez les mecs qui ont des rapports avec les mecs, mais par contre, les autres, comme s'il ne pouvait pas y avoir de transmission au niveau oral ou au niveau imaginé. Si vous ne faites pas un entretien poussé dans la santé sexuelle de où avez-vous eu des pratiques sexuelles, si on est encore dans des histoires de le sida, il ne passera pas par moi, je me protège, mais tu protèges de quoi? Tu fais quoi exactement? C'est quoi se protéger? C'est quoi les transmissions? C'est quoi les modes de... C'est très différent entre une pénétration et une fellation, par exemple. Et donc, c'est important d'avoir la possibilité d'exprimer, mais c'est aussi important de savoir ce que fait la personne en face de vous pour pouvoir justement adapter, en fonction de ça, les modes de dépistage. Je vous remercie. Et on a un enjeu vis-à-vis de la vaccination HPV. Donc déjà, le préservatif ne protège pas du HPV. Et moi, quand je vaccine les gens, je leur explique pourquoi. Et j'ai des parents qui ne veulent pas que leurs enfants sachent pourquoi ils se font vacciner. Alors autant le tétanos, il n'y a pas de souci, oui, barre de fer rouillée, ok, ça... Mais non, HPV, non, vous ne lui dites pas. Et je suis là, mais en fait, il doit savoir qu'un utérus, il y a un col de l'utérus, que c'est dans l'utérus que grandissent les bébés, mais il y a aussi une méconnaissance du corps, de jeunes qui viennent en disant, écoutez, j'ai un truc honteux, j'ai des pertes blanches, j'essaie de me laver l'intérieur du vagin avec de la bétadine. Et là, je suis là, ok. En fait, on a aussi cette méconnaissance du corps à l'heure où pourtant Internet rend les informations disponibles, donc ça me questionne beaucoup, mais en même temps c'est ce qui rend mon métier passionnant et qui me change un peu du diabète. Pour ajouter sur les HPV, à partir du moment où on parle aussi de cancer du col, on change justement le discours et qu'on parle de cancer de la gorge, ça va peut-être plus pas, ça passera peut-être, c'est bête, hein, mais ça peut passer un peu mieux que si on parle moins. Les parents, ils ouvrent grand les yeux, genre, comment c'est un cancer de la gorge? Oui, d'accord. Et de l'anus aussi. Ah, bon. Comme quoi... Moi, j'en parle systématiquement. Bon. Mais c'est vrai que, on a bien compris que c'est les zones là où il y a de la sexualité qui posent problème. Et c'est encore malheureusement le cas. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour les informations que vous avez partagées. J'avais une question un peu sur les interventions que vous avez faites auprès de certains publics. Est-ce que ce soit à la Cégide ou directement, vous avez intervenu en détention? Et si jamais vous l'avez fait, est-ce que, comment est-ce que les prisonniers ils aperçoivent le dépistage aujourd'hui étant donné qu'on a quand même... Est-ce qu'il y a quand même de la réticence de la méconnaissance Alors nous, on a été contactés par le centre de pénitentiaire de la Talaudière. On n'est pas financé pour faire ce genre d'action, malheureusement. Actis faisait un gros travail sur le CD de Rouen et le centre de détention de Rouen, j'utilise des acronymes, et la maison d'arrêt La Talaudière. Nous, ENIPS, on n'est pas encore dans ces missions-là. Rodolphe, tu pourrais peut-être un peu plus en parler aussi de la prison par rapport à Stéphane. Et la prison, c'est compliqué parce que c'est un lieu de non-droit, mais en même temps, tu as le droit de ne pas te faire dépister. Tu as le droit de dire « j'ai une maladie, mais je ne veux pas de traitement ». Et c'est assez complexe comme sujet. Et en effet, ça fait partie des populations clés de l'OMS. Alors juste pour votre information, à l'unité sanitaire donc de la Talaudière, il y a une antenne Cégide. Voilà. Donc c'est important que vous le sachiez. Donc il propose largement les dépistages. Et chez qui on intervient, l'équipe du Cégide, et potentiellement intervient à l'occasion de la semaine de santé sexuelle, notamment. La dernière fois, c'était autour d'un groupe de femmes. Voilà. Donc, il y a déjà une antenne du Cégide, mais bon, toutes les bonnes volontés sont bien sûr à prendre. C'est un milieu un peu particulier, quand même. Quand on y rentre, on est un peu déshabillé. Et c'est important d'y intervenir. Merci Stéphane tout à l'heure pour ce que tu as dit sur l'ENIPS, mais remplacer l'Actis, c'est impossible. Hein, parce que, je vais vous dire la vérité, c'est qu'il faisait tout. C'est-à-dire, ils s'occupaient des précaires, ils s'occupaient des personnes migrantes, ils s'occupaient des PVVIH, ils allaient aussi dans les prisons. Ils étaient implantés Alors nous, on est implanté que depuis 2 ans, mais on est très limité dans nos missions. Donc c'est aussi ça qu'il faut, faut comprendre. Les nouveaux CORES, je ne sais pas vers quelle mission ils vont avoir, mais parce qu'évidemment, le VIH va être au milieu de tout ça, mais pas un peu dilué, il faut quand même l'imaginer. Dans les anciens CORESVI, il y avait une mission inter-CORESVI prison. Justement, puisque c'est, je pense, aujourd'hui un des endroits où il y a eu le moins de grands, des plus grands progrès en termes de prévention et de dépistage. C'est quand même, même s'il y a eu des choses qui ont été faites et des endroits où ça se passe plutôt bien, c'est quand même à chaque fois que j'ai entendu des choses sur inter-CORESVI prison, on sentait bien quand même de la résistance, du frein, vraiment des grosses difficultés à travailler sur la prévention en, en prison. Alors peut-être que Anne va nous dire quelque chose en plus, mais c'est un des objectifs importants en ce qui concerne le VIH, notamment, et les hépatites. Enfin, de toute façon, en prison, il se passe tellement de choses que, bien entendu, c'est aussi les hépatites et les IST. Les taux d'incidence du VIH et des hépatites est plus haut qu'en population générale. Hein. C'est, voilà. Je vais dire 2 choses sur les prisons. L'accès aux préservatifs est très difficile et il n'y a pas de stéribox, il n'y a pas de kit expert. Un injecteur d'héroïne en prison, il s'injecte avec la même aiguille et il la partage et l'aiguille, elle a tourné sur plusieurs prisons. Il faut encore savoir qu'en 2025, on en est là. Ouais.